Section 43 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 10, troisième partie. Jusqu'à la mort de Louis Ier d'Anjou, 1384, par Pietro Orsi. Affaire de Naples, la reine Jeanne Ière. En 1343 mourut Robert d'Anjou, roi de Naples, prince qui fut grandement loué par ses contemporains et particulièrement par Pétrarque. Mais il méritait ses louanges plutôt comme homme d'études que comme politique. Comme son fils était mort avant lui, il laissait le trône à Jeanne, sa petite fille, à peine âgée de 18 ans, qu'il avait mariée à André, de la branche des Anjou, établie en Hongrie. Ces deux jeunes époux avaient des natures bien différentes. Jeanne, élevée dans cette cour de Naples à laquelle Boccace trouvait tant de charme, était élégante, instruite, de mœurs assez libres. André, né dans la rude Hongrie, était grossier dans ses manières. Tous deux étaient également avides de pouvoir. La discorde s'accrut lorsque la reine laissa entrevoir ses sympathies pour un de ses cousins, Louis de Tarente. Dans la nuit du 18 septembre 1345, au château d'Aversa, le roi André fut étranglé et jeté par une fenêtre dans le jardin. Louis, roi de Hongrie, frère d'André, accusa la reine de complicité dans le meurtre de son mari. Le pape, qui se considérait comme suzerain du royaume de Naples, fit faire un procès. On ne frappa que quelques complices obscurs. Le roi de Hongrie ne se tint point pour satisfait. Il manifesta l'intention de descendre en Italie pour venger la mort de son frère et s'emparer du royaume. 1347. Jeanne venait d'épouser Louis de Tarente. À l'approche des troupes hongroises, elle s'enfuit dans ses terres de Provence, tandis que Louis de Hongrie occupait sans coup férir le royaume de Naples. L'année suivante, une grande peste ravagea l'Italie. Elle a été merveilleusement décrite par Boccace. Le roi de Hongrie se hâta de quitter Naples, n'y laissant que peu de troupes. Alors, la reine Jeanne, qui avait gagné les bonnes grâces du pape en lui vendant à bas prix la ville d'Avignon, revint avec son nouvel époux dans le royaume, qui fut dévasté par une guerre civile ou plutôt une série de petits engagements sans résultat. En 1350, le roi de Hongrie rentra en Italie. Il finit par conclure une trêve avec Jeanne, déclarant remettre la question entre les mains du pape et s'engageant, si Jeanne était reconnue innocente du meurtre d'André, à lui abandonner le royaume. Le pape fit faire un second procès et prononça une sentence d'absolution. En 1352, Jeanne et Louis de Tarente furent solennellement couronnés à Naples. Le royaume eut alors le pire des gouvernements, débauché, faible et perfide. Pendant les 30 ans qu'il dura, l'autorité de la cour ne se faisait même plus sentir à quelques lieues de la capitale. Les barons s'érigeaient en despotes dans les provinces, les compagnies et di Ventura pillaient à leur fantaisie des régions entières. Rome, pendant l'absence des papes. L'Italie centrale ne se trouvait pas dans de meilleures conditions. Les papes n'avaient jamais exercé une autorité très ferme et solide sur les terres de la donation. Ceux même d'entre eux qui avaient pu disposer à leur caprice des principales couronnes d'Europe furent plus d'une fois contraints de fuir devant les émeutes romaines et de se réfugier dans quelques petites villes ou quelques châteaux. Ce fut une des causes de la translation du Saint-Siège en France. L'absence des papes aggrava naturellement la situation. Dans les villes de province, s'étaient constituées ou bien des républiques, comme à Bologne, ou bien des seigneuries, comme celles des Polenta à Ravenne, des Manfredi à Faenza, des Ordelaffi à Forli, des Malatesta à Rimini, des Varani à Camerino, des Montefeltro à Urbino, des Baglioni à Perugia, des Prefetti di Vico à Viterbo et Civitavecchia. Les campagnes étaient dévastées par des bandes de brigands qui avaient pour chef des membres même des familles féodales. Quant à Rome, aucun gouvernement, on peut le dire, n'y existait plus. C'était l'anarchie pure. La ville éternelle présentait à cette époque un aspect de désolation et de misère. La population, qui n'avait cessé de diminuer, désertait les régions extrêmes de la ville pour se grouper tout entière autour du Capitole, comme la vie se retire au cœur. De sorte qu'une partie des grands monuments de l'Antiquité se dressait alors au milieu de la campagne déserte. En cette prodigieuse décadence, Rome conservait cependant, dans l'esprit de ses habitants, le prestige de son ancienne grandeur, que le nom de ses magistrats, sénateurs, semblait perpétuer. Ces vieilles traditions républicaines n'avaient pas empêché que l'élément féodal pénétrât dans la ville. Les barons utilisaient les ruines des monuments antiques pour bâtir au flanc de leur palais ces tours où ils soutenaient des luttes continuelles contre leurs rivaux. Parmi les familles puissantes de Rome, deux se signalaient particulièrement, les Colonna et les Orsini, qui, pendant l'absence des papes, tendaient à se rendre maîtres de la ville, suivant l'exemple des tyrans de la Haute-Italie. De là leur âpre rivalité. Les Romains avaient adressé plusieurs fois des ambassadeurs au pape pour les décider à rétablir dans Rome le siège pontifical. Ils n'avaient jamais obtenu que des paroles et des promesses. Rienzi, la République romaine. Lorsque Clément VI fut élu pape, parmi les ambassadeurs qui furent envoyés par les Romains se trouvait un jeune homme, Nicolas, ou Colla, de Rienzi, fils d'un cabaretier et d'une blanchisseuse. Il avait acquis un renom parmi ses concitoyens grâce à ses discours enthousiastes sur les glorieux exploits des vieux Romains. Doué d'une éloquence naturelle, il sut plaire au pape, qui lui accorda la charge de notaire de la chambre apostolique à Rome, 1344. De retour dans sa patrie, son crédit et sa renommée s'accrurent. Soutenu par cette popularité grandissante, il se prit à flétrir en public la violence et l'orgueil des barons, et par des figures allégoriques, tâcha d'enflammer les citoyens pour l'antique grandeur de Rome. Dans son ardeur, il crut qu'il suffirait de renouveler les anciennes magistratures pour faire renaître de ses cendres l'ancien peuple romain. Il s'entoura d'adhérents choisis dans la classe moyenne et, quand il vit le terrain bien préparé, convoqua le peuple au Capitole, mai 1347, la même où, quelques années avant, Pétrarque avait reçu le laurier sacré. Il se fut donné plein pouvoir pour réformer la cité et réussit en effet à ramener la paix et la tranquillité dans Rome, obligeant les barons à en sortir et à se réfugier dans leur château. Il fut alors le vrai maître de Rome, avec le titre de tribun du peuple. Ses premiers succès lui inspirèrent une telle confiance qu'il conçut le dessein de faire de Rome la capitale d'une confédération italienne. La respectueuse admiration que l'on professait pour l'Antiquité, et plus particulièrement pour la Grande Rome, en cet éveil de la Renaissance, nous explique comment plusieurs villes et plusieurs princes lui envoyèrent aussitôt des ambassades. Il y avait tant de magie dans les souvenirs qu'il évoquait. Ses idées furent célébrées par les hommes de lettres, notamment par Pétrarque. Enivré par le sourire de la fortune, Rienzi osa rêver de rétablir, par de simples décrets, la dictature de Rome sur le monde. Il cita à comparaître devant son tribunal les deux empereurs qui se disputaient la couronne, Louis de Bavière et Charles de Bohême. Alors, les sages et les prudents se dirent, comme l'avisait contemporain Jean Villani, que l'entreprise du tribun était une œuvre fantastique. Les extravagances auxquelles s'abandonna Rienzi, le luxe et le faste dont il s'entoura, les honneurs excessifs auxquels il prétendit, finirent par éloigner de lui un grand nombre de ceux qui l'avaient jusqu'alors secondé. Tant que la faveur du peuple avait soutenu son tribun, le pape n'avait osé lui faire opposition. Quand il s'aperçut que son prestige diminuait, il l'excommunia et favorisa les tentatives des barons. Rienzi n'était pas doué d'une nature très guerrière. Lorsque, dans un assaut dirigé contre lui, il vit que les citoyens ne répondaient pas à son appel, il s'enfuit de Rome, dans les derniers jours de 1347. Il passa 2 ans dans la solitude du mont Maial, à Bruse, dans un couvent des Fraticelli. Puis il se rendit à Prague pour offrir à l'empereur Charles IV de le conduire à la conquête de l'Italie. Mais là, il fut traité comme un visionnaire, arrêté, puis envoyé à Avignon, où le pape Clément VI le fit enfermer dans la partie supérieure de la tour de Trouillas. Innocent VI, qui succéda à Clément VI en 1352, désireux de relever en Italie l'influence du Saint-Siège, eut l'idée d'utiliser à cet effet Rienzi. Il le fit sortir de prison et l'envoya au cardinal Eugidius d'Albornoz, qui se trouvait déjà en Italie avec une armée pour reconquérir les possessions de l'État pontifical. Depuis le départ de Rienzi, Rome était retombée dans l'anarchie. Elle voyait se succéder sans repos et sans trêve les excès démagogiques et les violences des nobles. Rienzi rentra dans la ville éternelle le 1er août 1354. Il fut reçu en grande solennité parmi les fêtes et, avec le titre de sénateur, reprit le pouvoir. Ses façons hautaines prouvèrent bientôt que les épreuves de l'exil et de la prison ne lui avaient rien appris. Dans le même mois d'août, il condamna à mort le célèbre condottieri Fra Moriale, chef de voleur, il est vrai, mais qui lui avait prêté l'argent nécessaire pour reconquérir le pouvoir. De lourds impôts irritèrent le peuple. Une sédition violente, excitée notamment par les nobles, éclata. Assiégé dans le Capitole, Rienzi tenta de s'enfuir, déguisé en homme du peuple. Il fut reconnu par la foule et massacré. 8 octobre 1354. Le cardinal Albornoz, retour des papes à Rome. Pendant ce temps, le cardinal Albornoz, homme d'une grande expérience politique et militaire, tâchait de reconquérir par les armes et la ruse l'État pontifical. Il vainquit le préfet Odevico, qui dominait à Viterbe et à Orvieto, les Malatesta, seigneurs de Rimini, les Manfredi de Faenza, les Odelaffi de Fiorli, et réussit à se faire céder par Jean de Oleggio, la ville de Bologne, qu'il dut ensuite défendre contre Barnabo Visconti, puissant tyran de Lombardie. Après plus de 10 ans d'une guerre conduite avec habileté et résolution, le domaine de Saint-Pierre se trouva reconstitué. Alors, le nouveau pape, Urbain V, se décida à rétablir le Saint-Siège à Rome. Il y fit son entrée solennelle le 16 octobre 1367. Rome, veuve depuis si longtemps du pape et de l'empereur, devait alors les revoir tous deux. Charles IV y était déjà venu une première fois, en 1355, pour prendre la couronne impériale. Il y reparut en 1368 et en sortit presque aussitôt, ayant achevé d'y détruire le peu de prestige que gardait encore la dignité impériale. Urbain V sentait aussi combien le prestige de la papauté avait diminué en Italie. Albornoz, le seul homme ferme et habile qu'il eut auprès de lui, était mort en 1367. Les cardinaux français qui entouraient le pape l'excitaient à retourner au-delà des Alpes, sous prétexte qu'il pourrait plus facilement s'occuper de la réconciliation entre les rois de France et d'Angleterre. Urbain, cédant à ses insinuations, retourna à Avignon, 1370, où il mourut le 19 décembre de la même année. Pendant la nouvelle absence de la papauté, les légats qui administraient les terres de l'Église auraient médité de réduire en leur dépendance les deux républiques de Florence et de Sienne. Florence jeta le cri d'alarme, s'allia aux Visconti et souleva les villes mêmes de l'État pontifical, 1375. En peu de jours, l'insurrection devint générale dans toutes les anciennes provinces de l'Église. Grégoire XI excommunia Florence, envoya contre les rebelles la compagnie des Bretons et soudoya en Italie la compagnie anglaise de John Ecoud. Ces mercenaires se livrèrent aux pires excès. L'agitation s'était manifestée dans Rome même, où la population était mécontente de l'absence du pape. On y parlait déjà de nommer un autre pape qui habiterait la ville éternelle. L'imminence d'un schisme décida Grégoire XI à revenir, exaucant ainsi les instances prières de Sainte Catherine de Sienne. En janvier 1377, il entrait à Rome. Il lui fut dès lors plus facile de négocier avec les divers États italiens et d'obtenir le rétablissement de la paix. Florence, gouvernement des Chiompi. Florence, pendant qu'elle soutenait cette guerre contre les légats et le pape, était encore agitée par les discordes entre les grands, les bourgeois et la plèbe, surtout par la rivalité entre les deux puissantes familles des Ricci et des Albizzi. Tandis que nobles et bourgeois se combattaient et s'épuisaient, les gens du peuple, les Ciompi, croissaient en audace. En juillet 1378, ils se soulèvent et, conduits par Michel de Lande, à quart d'heure de l'Aisne, s'emparent du palais de la seigneurie. Michel est proclamé gonfalonier de justice. Il sut user avec habileté et courage du pouvoir que le hasard avait mis entre ses mains, réprimant les excès de la populace, maintenant les nobles dans le devoir. Lorsque son gouvernement cessa, les désordres recommencèrent. Nobles et bourgeois en profitèrent pour reprendre le pouvoir. 1382. À cette époque, une famille, sortie des rangs du peuple et enrichie dans le commerce, celle des Médicis, peu à peu s'élevait au-dessus des autres et se préparait, avec beaucoup de prudence et une rare habileté, à jouer un jour un grand rôle. Florence dominait alors la plus grande partie de la Toscane où elle n'avait plus de rival. Pise même, épuisée par de longs revers, ne pouvait plus lui disputer la prépondérance. Elle était tombée si bas qu'elle n'avait même pu défendre la Sardaigne qui lui fut enlevée par la maison d'Aragon, ni la Corse, sur laquelle Gênes commençait à établir sa suprématie. Guerre entre Gênes et Venise, paix de Turin. À Gênes aussi, le peuple avait eu ses jours de triomphe sur l'aristocratie. En 1339, il se souleva et nomma doge Simon Boccanegra, qui fit respecter son autorité par sa conduite ferme et sage. Cette révolution fut naturellement suivie de luttes fréquentes. Elle ne cessait qu'à l'approche d'un danger commun. À cette époque, l'ennemi était toujours Venise. On combattit de 1350 à 1355. Durant cette guerre, Gênes courut un tel péril qu'elle se décida à se donner en seigneurie à l'archevêque Jean Visconti, seigneur de Milan. Le doge de Venise était alors André Dandolo, auteur d'une ample chronique latine sur l'histoire de sa patrie, ami et correspondant de Pétrarque, qui lui écrivit plusieurs fois pour l'engager à conclure la paix avec Gênes. Il eut pour successeur, en 1354, Marino Faliero, qui, soit pour venger une injure personnelle qu'il avait reçue d'un des chefs de la noblesse, soit qu'il voulut s'emparer du pouvoir absolu avec l'appui du peuple, ourdit une conjuration contre l'aristocratie. Elle devait éclater le 15 avril 1355. Mais le Conseil des Dix eut vent du complot et ordonna des arrestations et des supplices qui en empêchèrent l'explosion. Le doge Faliero eut la tête tranchée sur le grand escalier du palais ducal où les doges prêtaient serment en recevant le pouvoir. Cette même année, la paix fut conclue avec Gênes, qui, toujours inquiète et agitée, secoua le joug des Visconti pour rétablir le gouvernement populaire. Elle n'oublia pas ses rancunes contre son ancienne rivale. La guerre ne tarda pas à recommencer. Gênes fut soutenu par la maison des Carrara, qui dominait de Padoue jusqu'à la lagune, et par le roi de Hongrie, qui menaçait Venise du côté de la Dalmatie. Venise eut pour alliés les Visconti de Milan, qui attaquait Gênes du côté des Apennins. Sur terre, la guerre ne se faisait qu'avec des mercenaires et causait plus de mal aux paysans qu'à l'ennemi. Au contraire, sur la mer, où les deux rivales combattaient par elles-mêmes, les chocs étaient parfois terribles. L'amiral vénitien Victor Pisani vainquit les Génois, puis fut vaincu lui-même, et le Sénat vénitien le condamna à la prison. Les Génois entrent alors dans la lagune, s'empare de Chioggia et menace Venise même de destruction. Le désespoir rendit le courage aux Vénitiens. On arme de nouveaux vaisseaux, on délivre aux acclamations du peuple Victor Pisani de sa prison et on lui confie la nouvelle flotte. Elle assaillit Chioggia pendant que, des mers du Levant, Charles Zeno arrivait avec d'autres vaisseaux. Après une longue résistance, les Génois, enfermés dans Chioggia, durent se rendre à discrétion. 1380. À la fin, les deux républiques acceptèrent la médiation du comte Amédicis de Savoie, qui, après de longues négociations, réussit à leur faire signer la paix à Turin. 1381. La maison de Savoie. Amédicis, surnommé le comte Vert, fut un des princes les plus illustres de la maison de Savoie, quoiqu'il soit mort à 49 ans. Ce fut sous son règne que cette famille commença à diriger vers l'Italie ses ambitions conquérantes, car du côté de la France, depuis l'annexion du Dauphiné, la chose devenait plus difficile. Au contraire, en Piémont, une occasion de s'agrandir se présentait. La maison d'Anjou y était abattue. Amédée VI, avec son cousin Jacques d'Acaille, en recueillit les dépouilles. Plusieurs villes aussi se donnèrent à lui. Il guerroya victorieusement contre les marquis de Saluce et contre les Visconti. L'expédition d'Orient, 1366, durant laquelle il enleva aux Turcs Gallipoli et la remit à l'empereur byzantin, son oncle maternel, lui acquit une grande renommée. C'est à lui qu'on doit la fondation de l'ordre du Grand Collier, qui prit ensuite le nom de Collier de l'Annonciade. C'est de lui que l'on reporte le mot célèbre « J'attends mon astre ». Pour s'assurer des possessions de la famille des Anjou en Piémont, Amédée VI s'allia avec Louis d'Anjou et l'accompagna dans l'expédition de Naples. Naples, Charles de Duras. Louis, duc d'Anjou, frère du roi Charles V, avait été adopté par la reine Jeanne Ière de Naples. N'ayant pas d'enfant, elle désirait que la couronne ne passât point à Charles de Duras, neveu du vieux roi Louis de Hongrie, à qui elle revenait de droit. Charles avait prévenu les desseins de Jeanne et, en 1381, réunissant une armée, avait couru à Rome se faire couronner roi de Naples par Urbain VI. Celui-ci était l'ennemi de Jeanne qui avait reconnu l'autre pape, Clément VII. Puis Charles entra victorieux dans Naples. Jeanne y fut faite prisonnière et peu de temps après, 1382, mise à mort. Pour la venger et pour conquérir le royaume, Louis d'Anjou, qui avait été couronné à Avignon par Clément VII, descendit en Italie, accompagné d'Amédée VI de Savoie, et pénétra dans la Pouille. Amédée y mourut de fièvre, 1383. L'année suivante, Louis mourut aussi, 1384. Charles n'eut plus alors de compétiteur. Dans cette guerre, Charles avait pris à sa solde Albéric de Barbiano. Celui-ci avait formé la première compagnie d'aventuriers, composée uniquement d'Italiens, renouvelant ainsi dans la péninsule l'usage des armes. Les victoires d'Albéric excitèrent plusieurs chefs à suivre son exemple. Peu à peu se formèrent les compagnies italiennes qui remplacèrent les étrangères. Ce fut des rangs de la compagnie d'Albéric que sortirent les deux plus célèbres condottieri de cette époque, Braccio de Montone et Muzio Attendolo Sforza. Fin de la section 43.